Les Brazzavilloises sont vraiment formidables, drapées dans leur pagne aux couleurs vacanciel. Jolies Brazzavilloises qui séduisent tant de touristes. Laissez-moi analyser et vous chanter mes compliments. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec le poids plus de frais dans pétiche. Aux Brazzavilloises, vous savez de la chance. Oh, Brazzavilloises, oh, vous savez de la chance. Quand t'as pas ta mouta, l'y va, quand t'as, oui, c'est, vous savez de la chance. Chance.